un endroit magique dans ce bâtiment tout en briques. Un petit bureau au sixième dans cette sorte d'HLM. C'est une jolie fée qui l'habite et qui sourit à ma visite. Je ne sais pas vraiment ce qu'elle en attend au-delà du bonheur de l'instant. Elle a une beauté qui excite, un visage qu'on n'oublie pas vite, des yeux d'un bleu si envoûtant que mon regard se noie dedans. Elle me parle d'elle avec envie et me fait un peu voir sa vie. Je la devine, droite et fragile, riche de cœur mais pas trop docile. Il y a en elle tant de simplicité que l'air est plein de complicité. Avec ses yeux, avec son charme, elle sait parler à mon âme. Et moi, d'habitude si pudique, devant elle, soudain j'abdique. Et je lui donne toutes les clés pour se balader dans mes pensées. Ses paroles et ses yeux m'hypnotisent. Je crois que je vais dire une bêtise. C'est pour moi un endroit magique dans ce bâtiment tout en briques. Un petit bureau au sixième dans cette sorte d'HLM. C'est une jolie fée qui l'habite